Écoutez et répétez en une seule émission d'air, sans faire de pause. 1. J'essaie de savoir à quoi ça sert. 2. Ça exige un effort supplémentaire. 3. Ce sera peut-être long à faire. 4. Avez-vous toute la documentation nécessaire? 5. Où avez-vous mis le document? 6. Croyez-vous qu'ils arriveront bientôt? 7. C'est difficile à dire. 8. C'est une chose qui est toujours possible. 9. Ce serait bon de réviser ce travail-là. 10. C'est une échéance raisonnable.